un fusil sur son épaule, une Bible dans sa main, parlant aux gens de la terre et d'un bel pays promis, gauche en bas. Reposons sur le roi éternel. Sa puissance sont merveilleuses. Chaque jour, il est merveilleux. C'est lui l'objet de notre adoration. Il est le vivant éternellement. Il est la paix dans la vallée. Il est le roi des chrétiens. Il est notre refuge en temps de détresse. Notre abri contre tout danger. Il est la haute retraite. La délivrance des rachetés, c'est lui. Il est la paix des membres de nos corps. Il est celui qui fait grâce aux membres de nos familles. Il exauce nos prières pour nous-mêmes. Il exauce aussi nos prières pour les autres. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous t'adorons maintenant pour ce grand privilège que tu donnes à nos âmes de nous tenir debout devant Dieu dans la foi, persévérant, aimant Jésus comme il nous avait aimé, voyant ses promesses, déterminé à expérimenter la puissance surnaturelle, le Saint-Esprit de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, toutes les promesses salutaires, la guérison divine, la force dans les combats, déterminé à tout expérimenter. Grâce à toi et par ton nom que nous ferons tes exploits. Et c'est toi Dieu qui écrasera nos ennemis. C'est toi Dieu qui exterminera nos adversaires. C'est toi Dieu qui met à nous le champ de victoire. C'est toi Dieu qui met dans nos cœurs la joie du salut. C'est toi Dieu qui met dans nos cœurs troublés la paix véritable. Que nul ne peut nous ravir. Bénis la prédication ce matin. Qu'elle atteigne la cible dans le cœur. Oublie les effets escomptés de Dieu. Ta parole ne peut pas retourner à toi sans cesse. Elle doit accomplir tout ce pour quoi tu l'as déclaré. Elle doit prendre le contrôle sur tout ça. Va au loin, Seigneur, jusqu'au Seigneur. Et que ton amour rédempteur gagnez les âmes à toi, ramenez les égarés, ramenez les perdus et remplir ta bergerie au nom de Jésus-Christ. Nous prions ici. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors nous allons lire la Sainte Parole dans la Bible pour partager les morceaux du pain de vie. Pour ce moment, cette matinée que Dieu nous a donnée sur la terre des vivants, et pour laquelle nous lui sommes très très reconnaissants. Deux Chroniques chapitre 15, deux Chroniques chapitre 15, versets 1 à 7. L'Esprit de Dieu fit sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au devant d'Aza et lui dit, écoutez-moi, Aza et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Azaria, mwana na Odedi, wakendaki kutuna Asa, alubaki na yeti. E Asa, peba yuda yosompe, Benyamina, yokangai, yawe ajali na bino ilongo, wana bino bojali na ye ilongo. Soko bokoluka ye, akuzwama na bino nde, soko bokotika ye, akotika bino. Longwana mikolo mingi, yisalele bajalaki na Nzambe na solote. Bajalaki na nganga kola kisate, bajalaki na mobeko te, kasi wana kati na mawana bango, babongwami epai na Yawe, Nzambe na Isalele, te balukiye azwami na bango. Natango yango kimia ejalaki te pona ye oyo abimaki pona ye oyo aingelaki zambi mobulu mingi ebebisaki ba oyo bavandaki na mokili. Babukanaki libota batelemeli libota mpe mboka etelemeli mboka po ete nzambe abulumunisaki bango na boloji na ndenge na ndenge. Kasi bino yika mpiko yika te ete maboko malemba nzambi mosala na bino ekopesamela libonza. Apokalipse chapitre 16 moniseli mokato zomi na motoba a 16 zomi na mibale kino zomi na motoba. Le sixième verset sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarie pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. J'ai vu sortir de la gueule des dragons, de la gueule de la bête et de la bouche des faux prophètes, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont les esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre, afin de le rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Oyo na motoba asopi mbeki na ye na ebale yango monene pelata. Mai yango makauki ete nzela ebongisama mpona bakonzi balongwe na ebimelo na tango. Namoni milimo na mbindo misato lokola mbemba kobima na monoko na dalagona mpe na nyama mpe na mosakoli na lokuta po ete bazali milimo mabe kosalaka bilembo. Baoyo bakei epai na bakonzi na mikili nyonso bayangani na bango mpona etumba na mokolo yango monene na nzambe mozwi na nguya nyonso. Tala na kuya lokola moyibi esengo na oyo angengeli mpe abateli bilamba na ye ete atambola bolumbu te mpe amona soni te. Bayanganisi bango na esika ebyangami na monoko na ebele ete à la Magédone. Nous retournons dans l'Ancien Testament. Joël, chapitre 3. Le verset 1 et 2. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations. Et je le ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elle. Au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage. Qu'elles sont dispersées parmi les nations. Et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Nous allons prêcher l'évangile de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, vivant au siècle des siècles, l'immuable, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a promis sa présence à ses fidèles, à une promesse infaillible, en vertu de laquelle là où deux ou trois sont assemblés en son nom, lui-même sera là au milieu d'eux. Amen. Dieu a dit, je suis au milieu de vous. Je suis au milieu de vous. Et nous croyons ça. Que Dieu soit béni. Que son nom soit béni éternellement. Ok. Nous allons essayer de parler aujourd'hui, toujours de la bataille d'Armageddon, parce que c'est tellement important que cela doit être vu. La pensée de méditation de ce matin, c'est la bataille d'Armageddon aux portes de Jérusalem. Quand vous allez présentement aux portes de Jérusalem, il n'y a rien. Les campements militaires, les munitions entreposées, les chars de combat, tout est ordinaire, le trafic se fait normalement. Mais à cet endroit-là, aux portes de Jérusalem, voyez là, c'est même là, en dehors de la porte de Jérusalem, que notre Seigneur Jésus a été crucifié. Lorsqu'il y a eu cette confrontation directe entre le Messie Dieu et Satan, entre la semence de la femme et la semence du serpent, il y a une confrontation que nous avons évoquée vendredi dans la prédication. Prédication que nous avons pensé intitulée le cheminement. Le cheminement qui mène jusqu'à la bataille d'Armageddon. En fait, le cheminement de la bataille depuis le ciel jusqu'à Armageddon. Les deux ennemis directs. C'est les hostilités au ciel. À l'époque du jardin d'Éden, les deux ennemis en question ont fixé rendez-vous de nouveau sur terre. Sur le mont Golgotha, là, aux portes de Jérusalem, et une victoire historique a été arrachée. Qui était Dieu devenu homme, a vaincu Satan et toute son armée. Il les a dépouillés dans le surnaturel. Et la victoire de Jésus-Christ de Jésus-Christ est devenue la victoire de tous les chrétiens. Et c'était une victoire incontestable. De sorte que nous le croyons, nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour chercher la victoire. Il y en a un qui l'a déjà arraché pour nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le même hier, aujourd'hui, éternellement, le ressuscité du troisième jour. Que son nom soit béni et adoré. Et j'espère qu'il y a des adorateurs ici dans l'église. Et quand nous adressons les éloges à notre commandant suprême, nous sommes là pour acclamer cela. Parce qu'il est le commandant suprême. Il est le numéro un. Le numéro un. Le numéro un. Amen. Avec lui, on nous conteste. Il a toujours vaincu et il vaincra toujours. Des adorateurs et des combattants. Des soldats de Jésus-Christ. Et Dieu bénisse votre foi. De connaître votre Dieu. De connaître votre rôle sur la terre. De connaître le sens profond de votre combat. Nous résistons contre la résistance de Les démons nous résistent. Nous opposons la résistance. Lorsque eux piquent, nous aussi nous allons piquer. Et nous boudons, nous allons les bouder. Ils vont utiliser leurs armes pour les écraser. Que David a utilisé l'épée de Goliath pour les décapiter. Nous ne sommes pas des lâches. Le chrétien n'est pas lâche. Alors la bataille d'Armageddon, c'est au port de Jérusalem, non pas en Irak, non pas en Libye, non pas en Égypte, non pas en Iran, non pas en Ukraine, Non pas aux États-Unis, mais encore à Jérusalem. Oh, chers amis, il y a les indications précises de la prophétie qui nous permettent de voir clairement cet événement. Et Dieu nous aide ce matin à retenir cette vérité. Mercredi, nous avions parlé d'une écriture sur la miraille. Et nous avions évoqué Joël 3, verset 9. Joël 3, verset 9 qui disait: publiez ces choses parmi les nations, nous devons les faire. Dieu a dit de les publier parmi les nations, et nous sommes les gens des nations. Nous devons prêcher ça. Vous dites, mais la bataille d'Armageddon s'appelle l'enlèvement en quoi que ça nous publiez ces choses parmi les nations. Vous, l'église des nations, vous devez les entendre. Nous, les prédicateurs, nous devons les publier. Ouais. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Mmh. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. Sakola oyo kati na mabota eti, bousa etumba, la moutisa bato na makasi, kika eti bato na etumba, babelema, kika eti babuta. Voyez? L'écriture sur la miraille, préparez la guerre. Et la guerre en question, dans les fonds de l'inspiration, la guerre d'Armageddon, qui est le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. À Golgotha, la bataille était spirituelle. À travers les forces en présence qui étaient physiques. Et là-bas, dans la vallée du jugement où Dieu va rassembler tous les nations, il y aura une composante physique de la bataille. Il y aura littéralement des armées campées. Et nous avons essayé de commencer vendredi, lorsque la prédication tournait autour de ce cheminement de la bataille depuis le ciel jusqu'à Armageddon. Et nous avons vu par la grâce de Dieu de quoi seront faits les deux fronts. Les deux fronts. Non, les fronts qui seront campés. Il y aura d'un côté Satan qui s'amènera avec ses protestants, avec ses catholiques et avec tous les autres. Dans tous les autres, vous avez même les armées nationales de plusieurs nations. Ils seront regroupés sous le leadership du roi du Nord. Donc, tous les autres formeront un bloc et viendront camper là-bas autour de Jérusalem. Ce sera un armement physique, physique. Un campement dans le naturel. On va là-bas autour de Jérusalem. Mais en face, ils ne verront encore rien. Mais en réalité, il y aura Dieu ou le Seigneur Jésus-Christ en fait le ressusciter d'entre les morts. Nous l'avons lu vendredi. Et nous serons montés sur des chevaux blancs. Et Jésus-Christ lui-même sera effectivement aussi sur les chevaux blancs. Mais nous serons tous dans des corps glorieux. Le corps glorifié. Et Jésus lui-même dans son corps de résurrection, il sera à notre tête. Dans son corps avec lequel il était ressuscité. Quand il est au ciel jusqu'à présent, il n'a jamais cessé d'exister. Pour être remplacé par le corps de Branham, son corps existe jusqu'à présent. Et c'est le corps de Jésus-Christ. C'est le corps dans lequel il reviendra en levant la vie. Ce corps-là est assis à la majesté et la puissance divine au trône de l'éternel. Maintenant où nous parlons là, c'est ce corps-là qui était apparu partiellement. Sa tête Motona yango était apparu en 1963. Jésus-Christ sera dans son corps glorifié. Le corps que Thomas voulait toucher. Le corps que cette femme de Magdala, Marie-Madeleine, voulait aussi toucher. Et dans lequel il avait dit, ne me touche pas. C'est ce corps-là qui, quand Cléopas et son ami l'ont invité dans la résidence. Ils l'ont présenté du poisson rôti. C'est ce corps-là qu'il a dû manger. Là, dans la maison de Cléopâtre. Le même corps glorifié. Alors, lui sera dans son corps glorifié. Mais depuis le moment de son retour pour l'enlèvement de l'église, la Bible nous a prévenu que nous qui l'attendons là, nous l'attendons pour un événement capital. Il l'accomplira dans le corps de nos chers. Aurélie, Philippiens 3, verset 21. Mais nous sommes citoyens des cieux. Et c'est la vérité. Et c'est là que nous serons. Quand nous serons élevés, nous serons au ciel. Et Dieu confirmera ce que nous avons toujours cru, que nous sommes citoyens des cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il fera quoi quand il viendra? Il transformera le corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire. Il rendra nos corps ici semblables au corps de sa gloire. Quand il reviendra effectivement, il fera ça. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Vous voyez que pour cette bataille d'Armageddon qui aura lieu après l'enlèvement de Christ, Jésus sera dans son corps glorifié. Et nous les habitants des cieux, nous l'armée des cieux qui seront derrière lui, nous serons sur des chevaux blancs, mais étant dans des corps semblables à son corps de gloire. Est-ce que vous comprenez? Étant dans des corps semblables à son corps de gloire. Donc son corps de gloire, c'est son corps glorifié. C'est son corps de résurrection. Amen, amen. Amen. Nous aimons ça. Alors les fronts vont se dresser. Les fronts seront établis. Et Dieu est bon, il fera ça. N'est-ce pas que nous avons lu dans le quatrième psaume? C'est à titre de rappel. Vous avez déjà montré la réponse vendredi pour vous étiez là. Fréchez le 21 mars 1903. Alors là, on avait lu ceci. Au paragraphe 334 et 335, voici Satan qui vient avec ses protestants, ses catholiques et tous les autres réunis venant de quatre coins de la terre et s'avançant droit pour la bataille d'Armageddon. Très bien. Nous voyons de qui il s'agira, non? protestants, catholiques, tous les autres, même ceux qui sont entrés dans le mouvement écuménique de l'Église. Ils se ligueront ensemble. Et ils seront de mèche avec les Arabes. Les nations arabes. Et ils seront de mèche avec le roi du Nord, la Russie. Ils seront de mèche avec la Chine. Et la Corée. Toutes ces puissances camouflées là, ils se ligueront ensemble contre Jérusalem. Ce sera un bloc de son. Et Abraham dit très bien. Et alors ensuite, et voici venir Jésus, descendant du ciel, avec les saints ressuscités. La parole confirmée. Alléluia. Amen. De côté vous avez ce bloc sur terre. Ce sont des armées terrestres. Et en face d'eux, sur terre, nous verrons d'abord rien au départ. Mais à un moment donné, l'armée céleste descendra sous le leadership direct de Jésus-Christ, au général à 5 étoiles, le général de toutes les armées, et les armées qui sont dans le ciel, c'est-à-dire nous qui à ce moment-là aurons déjà été enlevés, nous serons derrière lui. Nous avons lu à trois endroits, non? C'est écrit à trois endroits dans l'Apocalypse. Dans Apocalypse 12, on a vu ça. Dans Apocalypse 17, on a vu ça. Dans Apocalypse 19, on a vu ça. Au sujet des saints qui ont vaincu par le sang de Jésus et par la parole de la témoignage. Au sujet de ses fidèles, les appelés, les élus qui sont avec l'agneau et qui combattront contre les dix rois, les puissances des dictateurs qui se dresseront à ce moment-là, les gens qui prendront le pouvoir à travers les nations, à passer par la démocratie, qui auront la méchanceté, la cruauté, le régime militaire. Le frère, ça nous fera rien. Nous sommes les saints du Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons vaincu par le sang de l'agneau. Le même sang qui a goulé à Golgotha. Là où il y avait une confrontation directe entre la semence de la femme et la semence du serpent. Entre le Messie de Dieu et l'Antéchrist Satan. Il y a une confrontation. Mais Satan n'était pas le plus fort. Il a été le plus faible. Jésus est allé. Jusque dans les séjours de mort. Il a libéré les séjours de la séjour. Il était sous le contrôle du diable. Il a quitté le paradis. Il a libéré Abraham. David. Daniel, Esaïe, Malachi, tous les seigneurs de ce moment, tous les patriarches, tous les patriarches, tous les patriarches, tous les patriarches, tous les il a vidé le paradis. Il a fini sa qui paradis. Il a tenu la main. Tiens le bon sauveur. Donne le saillant. Les clés de la main. Alléluia. Parce qu'on voit la poussée. Les clés du séjour de mort. Même le pouvoir de Satan dépend d'abord de Jésus. Amen. Tu n'as pas bien écouté ça. Même le pouvoir qui exerce Satan dépend de la permission de Jésus. Amen. Si Jésus ne lui permet pas de là. Parce qu'il a reçu tout pouvoir. Même le pouvoir que Dieu fait sortir. Sur les semblables, les humains. Sur les élevages. Sur leur plantation. Leur opposition se transforme en soumission. Leur rébellion se transforme en obéissance. Immédiatement. Quand tout pouvoir de Jésus-Christ qui le défend. Quand Pierre est allé avec ses mains, il est allé devant la porte de la porte. Il n'a pas hésité. Il n'a pas balbutié. Il n'a pas questionné. On lui a demandé. Il n'avait pas le pouvoir d'achat. Pierre n'avait pas d'argent. Il n'avait pas le pouvoir d'achat. Il était à la poche vide. Pierre n'avait pas le pouvoir d'achat. Il dit. Alors dit. Amen. As-tu le même nom? C'est ça le pouvoir. Comme il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Et marcher sur le champ. Amen. Et toute la puissance. Toi, tu vas marcher dessus. Oui, Tamboli, ou Tamboli. Au don de, au don de. Au régné, au con régné, bongo. Yamonde, bankamba na yo. Mili mumabe, bazaba minkamba na yo. C'est ça. Yangona. Tout démon, tout péché. Démon na yo. Yé bazango bongo, bazaba minkamba na yo. Amen. Yo mondimi, yé bago sanani. Pouvoir Yangwana. Voici le miracle qui est compris. Ah mon nom. Na komo na tayo. Parlerons de nous. Ah mon nom. Na komo na ngai. Il chasse. Na komo na lavademo na. Ah mon nom. Na komo na ngai. Amen. Na kosha na komo na beli. Na beli na komo na kutu samba. Ah mon nom. La combo de la reine. La consigne va tout à coup. Et s'ils prennent quelques breuvages, à table de l'imbongo, ça leur sera pas de mal. Et pour ça, le côté. Il a dit tu marcheras sur toute la puissance. Alors, le temps de la colombe est neuf. Alors, rien ne pourrait être. Allez, le côté, pour ça, on a dit le côté. Ce bang est le côté. Et ça, l'empoisonnement mystique. Et ça, l'empoisonnement biologique. Comment de l'autre côté? Tu as le pouvoir! Vous allez en gouillard! D'écraser ces choses-là! La foi, c'est mon camion! Et c'est le nom de Jésus-Christ! Vous allez fondre Jésus-Christ! Sois fier de lui! Vous allez en tant que la fondre! Et heureux de le connaître! Il fait de toi une distinction! Il fait de toi une distinction! Il t'a sorti de ce bloc-là de délégation! Mais si même elle a les dénominationnels, ils sont l'armée de Satan. Ils sont l'armée de Satan. Ils essayent aussi le nom de Jésus et sa ruine. Ils viennent avec les témoignages au nom de Jésus. Mais qu'en est-il de fils maison? De fils et filles maison. Le véritable fils du royaume. À qui tu as révélé ce secret? Je vous dis que vous valez mieux que les petits. Votre valeur est de la supérieure. Et vos capacités sont multiples. La vie des années belles. Vous affrontez ces faussaires. On va les affronter. Mais nous serons les vainqueurs. Avec notre Jésus-Christ original. Le véritable. Qui nous a donné l'intelligence. Pour connaître que le Dieu véritable. Amen. Amen. Et qui est lui-même le Dieu véritable. Et le il sera à notre tête. C'est lui qui nous enlèvera bien sûr. Pour en arriver là. Est-ce que quand vous allez là-bas dans les conflits en Ukraine, vous voyez les musulmans, les protestants, les catholiques? C'est pas la bataille d'Armageddon. Wana et tomba na à l'Armageddon le temps. Si Medvedev va parler les champs. Attends, Medvedev, est-ce qu'il faut le mettre en Angola? Même si Joseph Biden, le président américain, a parlé de ça. Même si Poutine a nommé un général surnommé Armageddon. Et que vous voyez là-bas en Ukraine, ce n'est pas la bataille d'Armageddon. Parce que la véritable doit se dérouler au port de Jérusalem. Et le front, nous le voyons là-bas. Et tu as dit comment on est au coup de ressuscité. Ils seront la parole confirmée. C'est-à-dire nos corps seront des corps devenus parole. Les corps glorieux là. Le corps glorifié est plus. Ils seront des corps parole. Dieu l'a prévu. Et Dieu le fera. Nous y serons présents. Avec Jésus à la tête. lui-même physiquement. Et nous-mêmes aussi physiquement. Tire des chevaux. Et nous aurons ses adversaires en face. Et vous allez commencer à vous rappeler. Quand on nous prêchait ces choses, écoutez ici dans Joël. Mon Jésus, quelque chose va se passer. Joël, au chapitre 2, il dit ici, Joël 2, je prends le verset 1 à 6. Joël, chapitre 2, verset 1 à 6. C'est le combat d'Armageddon. Un combat est mentionné. Sonne de la trompette en Sion. Pas à Kinshasa. C'est en Sion. À Jérusalem. Faites la repentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Nous pouvons le dire, il est proche. Vous êtes à mon bout de Mongongona, pour que vous êtes à mon bout de la boule. Vous êtes à mon bout de la boule. Vous êtes à mon bout de la boule. Vous êtes à mon bout de la boule. Jour de ténèbres et d'obscurité. Jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Quel rassemblement, quel ratissage contre le Seigneur. Il aura un front de loin plus nombreux, tel qu'il n'y en a jamais eu, et tel qu'il n'y en aura plus jamais. Lui, devant lui, est un feu dévorant. Devant Dieu, il y aura un feu devant. La colonne de feu que nous voyons, à laquelle nous croyons, nous accompagne et nous conduit. Et derrière lui, une flamme brûlante. Ça c'est Dieu. Ok. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis cet indécent affreux, rien ne lui échappe. Allez voir, suivez ces gens-là, cette multitude. Allez voir, on dirait des chevaux. Oui, chevaux de guerre, hein? Et ils courent comme des cavaliers. C'est un grand rassemblement. Et à les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu. Quand elle consume le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Voyez là? C'est cette multitude qui descend dans la vallée. Mais allez voir, c'est comme une multitude, une armée puissante se prépare au combat. Mais ils descendront là-bas, au porte de Jérusalem. Oh, chers amis, devant eux, le peuple tremble, tous les visages pâlissent. Quelle panique! Parce que le nombre est terrible. Les gens qui vont s'assembler là-bas, celles qu'il n'y en a jamais eu auparavant, et celles qu'après cela, il n'y aura plus jamais pareil. La bataille d'Armageddon. Mais les saints ressuscités, même s'ils ne sont pas un grand nombre, ils sont une super puissance. Ce n'est pas par le grand nombre que Dieu délivre, mais par la leçon dans la marche d'Israël. Chaque fois, Dieu utilisait une minorité. Mais les armées terrestres, que des incroyants, des incroyants, les effectifs. Dieu a toujours compté sur la qualité. Zambé, ce n'est pas par le nombre que Dieu délivre. Même le peuple d'Israël qui est devenu célèbre et redoutable. Là. Dieu a dit, ce n'est même pas un grand peuple. Zambé, vous allez vous amener le petit. Qui est le moindre dans le peuple. Vous allez à mon cœur, ça, mais Dieu a rendu son nom grand à travers cette minorité. Car leur Dieu est redoutable. Le Dieu d'Israël est invincible. C'est vrai. Même les Américains l'ont reconnu. Dans leur tergiversation. Mais Israël en question aussi. Ça pose pas mal de problèmes. Même au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais nous pouvons en fait les éliminer en peu de temps. Mais la question, la grande question. Et leur Dieu alors. Saurons-nous l'éliminer? Il paraît une minorité. Écrasable. Il y a des années. Que j'avais dit ça, même à l'Assemblée, que je prêchais à Matadi autrefois. En parlant de cette bataille d'Armageddon. Et aussi de la prophétie de Noé. Il y avait une personne qui paraissait terrible. On l'appelait Yasser Arafat. Et il répétait à qui voulait l'entendre. Que leur objectif est les Palestiniens, c'est de jeter Israël à la mer. On ne doit plus parler de son peuple. Il l'a dit. Et j'avais dit, c'est lui Arafat qui périra, mais Israël subsistera. Aujourd'hui c'est réalisé. Où est Arafat? Dans la tombe. Où est Israël? Toujours à sa place. Frères, les ciels et la terre passeront. Et la parole du Seigneur demeure éternelle. Quand vous prenez votre foi dans la parole de Christ, vous n'aurez pas honte d'être confus. Vous n'aurez pas d'être désillusionné. Car ce n'est pas vous qui la confirmerez. Mais l'auteur de la Bible vit en elle et la confirmera lui-même. N'ayez peur de rien. Cette parole est vivante et Dieu l'exécutera à coup sûr. Êtes-vous fiers d'avoir la parole? Écrit infaillible dans la Bible. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a des années passées, utilisant la même Bible, je vous avais déclaré ici que les Rwandais, les Ougandais, retourneront dans leur pays. Cela ne s'est-il pas réalisé? Ils étaient retournés. Aujourd'hui, on les voit encore là-bas. Pourquoi ça? Parce qu'ils mènent une guerre d'expansion. Il tente encore de revenir. Mais je dois vous dire à nouveau, ils retourneront chez eux. Cette prophétie, hein, ce qui a été, ça s'accomplira encore. Même s'il n'y aurait aucun dirigeant militaire capable d'en finir avec eux, cette Bible que nous prêchons échappera de notre temps. Le Dieu de cette Bible que nous croyons, ça les rois du territoire congolais. Il y a besoin d'avoir les croyants au pays. Pas une bande de chouards. Et qui perdent conscience devant l'argent et le corps. Ayons la foi et finis par Jésus. Frère, Dieu exauce nos prières. Je peux même vous dire ceci. Notre église ici, un petit troupeau, insignifiant, si nous décidons de prier cette semaine, ne fût-ce que 3 jours. Appelant Dieu sur la terre. Pour déloger les Rwandais qui sont en train de se faire. Je vous dis que la semaine suivante, ils seront. Amen. Une main mystique va les chasser. Et tous ces colonels sous là ne comprendront pas comment ça s'est arrivé. Parce qu'il y a une assemblée de plus peuples. Le Seigneur dit, quand j'enverrai la peste, la famine, Zala, et la guerre, dans une nation, si le peuple qui est invoqué, qui est appelé de mon nom, d'humilie, se rassemble, et prie, je l'exaucerai des cieux, et je guérirai son pays. C'est pas de la blague, frère. J'ai besoin d'avoir des croyants. Même s'ils sont que 5. D'ailleurs, à Babylone, il y avait que 3. Mais ils ont bougé la capitale. Les Chaldéens ont bougé. Ils ont su que le Dieu de Daniel, le Dieu de Daniel, le Dieu de Meshach, le Dieu d'Abed et Meshach, le Dieu d'Abed et Meshach, le Dieu résultat, invincible, allons d'affaillir. Amen. Nous pouvons les sortir de l'histoire. Nous sommes aujourd'hui pour 10 ans solo. Il y a un certain colonel Gilles Moutoubousi. Il a la tienne à me conduire, comme à finir avec la maison. Alors, c'est petite histoire. Ah, voilà. Il est venu s'accaparer de Bukavu. Ah, il est pour Bukavu. La ville était tombée. Il y a un peu à qui. On met des rebelles. Il y a beaucoup, il y a un peu à qui. A pris le commandement. Il y a un jour de conduire. Les FADC ont pris la fuite. Voilà ma finale sur ma tienne. Les bandages. Voilà, qu'on prend la finale sur moi. Alors, les étudiants ont choisi de faire la marche. Nous avons choisi de prier. Savez-vous ce qui est arrivé? Ce type-là a pris la fuite. Pourquoi? Le Dieu de cette petite église va répondre à cette petite église. Quel que soit l'endroit à considérer. Attends, c'est qu'à voir, tu peux vous consoler. Souvenez-vous. Qu'est-ce que votre Dieu a déjà fait? Nous avons fait la cosa là. Il peut répondre à vos prières. Ne regarde pas le nombre que tu es. Ne regarde pas le manque du pouvoir financier. Ça la cosa, ni son égale. Pierre aussi là-bas n'avait pas la réponse. Et la solution face au problème. Et bien sûr, la fière. Et ça, ceux qui avaient l'argent étaient incapables de résoudre. Mais il faut pas avoir des milliers, des millions. Mais il n'y a pas le cas de paralysie, pas de choses. Là où ils étaient incapables, c'est là que les croyants étaient capables. Le nom de Jésus-Christ est plein pour voir. À travers le site de Michemipar, on nous a adressé une requête. Il y avait des échauffourées là-bas entre les partisans en Côte d'Ivoire. Les partisans de Laurent Gbagbo qui avaient été capturés, amenés à la Topi. Président de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, quelqu'un a juste adressé la requête au Semipar. Semipar tient des réunions et tout, bon. Alors j'amène ça au tabernacle des chrétiens. À l'église. Et vous avez prié. Nous avons prié un jeudi soir. Et le vendredi suivant, a été déclaré journée de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire. Où est-ce que cela venait en Côte d'Ivoire? Dieu d'ici peut vous répondre. Il peut agir à distance et à proximité. S'il peut faire ces choses au loin, donc je lui dis dans la prière, il répond à nos prières pour nous-mêmes et pour les autres. C'est ça la bassoufou. C'est quand on s'est dit, Mako, vois qui fait incrédulité dans la poubelle. Kamatamu. Allez, bois qui sang dans la poubelle. Qui est incrédulité, Yanini. On a vu dans la zamba, on s'en va à Salaka. Non, on ne va pas prendre ni. Quand on l'a, on a collé. On a collé pour faire là. Hein? Voix incrédulité. Bois qui sang dans la poubelle. Ayez foi dans le Dieu vivant. Parce que Dieu contrôle les nations. Il contrôle le fil de la terre. Il contrôle tous les chemins. Rien n'échappe à son pouvoir. Si le peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, se rassemble et prie, je l'exaucerai des plus et je guérirai son pays. Allez-vous me dire que ce sont les marches des étudiants qui avaient chassé Gilles Moutebus? Ils sont entrés à pied. Pas de. Et sur le terrain, les Rwandais sont là-bas. C'est pour vous dire que Dieu est plus que la force populaire. Ne comptez pas sur le mouvement des masses. Comptez sur notre Dieu. Êtes-vous là? Je vous cite encore un exemple. Un jour, nous avons fait une prière ici. Le 25 février 2018. Les religieux, mais nous avons prié. Et vous savez ce qui est arrivé? Il y a eu des délinquants, les marcheurs. Ils sont en train de faire leur shopping avec les militaires, les policiers. Ils sont passés ici. Ils ont tapé des pierres sur le portail. Ici, à plus. Et puis ils ont crié, pasteur, quand l'église, ici. Et moi, j'étais en train de prêcher. Ça m'a dérangé. Vous savez ce que je fais? J'ai déclaré maintenant devant l'église. J'en ai marre avec ce régime-là. Le régime qui est en place ici. Je l'ai dit ici, comme jamais auparavant. C'est quoi ça? On commence à nous déranger même nous? Allez-y! Et j'ai demandé le changement de régime. Et la dynamique du changement s'est installée. On a commencé à changer de premier ministre. On a freiné dans l'opposition. Et de là, ceux qui sont là, qui nous ont fait du bruit pendant des années. Et voilà, ils sont entrés là-bas. Ce n'est pas un problème de la marche des gens. C'est Dieu qui change de régime. Vous avez dit ici, eux, ils sont libres, ils ont choisi d'aller faire les marches. Nous n'irons pas dans ces marches. Nous avons nos genoux. Nous prions Dieu et nous donnera les résultats. Oui. Et le même Dieu dit nous allons attaquer ceux qui sont là. Je veux dire qu'ils peuvent fuir avant la fin de cette année. Mais ne pensez pas que nous sommes ici à bétonner les choses, hein? Vous allez faire. Nous ne sommes pas des bétonneurs ici. Nous sommes des croyants du Seigneur. Il ne suffit qu'on s'adresse. Qu'on dise, pas ça. Demandez à votre Dieu. N'importe quoi il vous les donnera. L'Église est la puissance qui secoue cette terre. Pas seulement, je le vis aussi. On doit les vivre. Et c'est par l'Église que les autorités doivent découvrir la sagesse infiniment variée de Dieu. Une montre d'arrogance. Nous avons un Dieu qui est terrible lorsqu'il est en colère. Et lorsqu'il veut intervenir en faveur de ses fidèles, tout lui est permis. Nous on fait ça milliers. Il a dit dans la promesse. Il peut livrer même des nations à cause de toi. Alors il y a des tu vas voir ça va mourir. Il peut renverser de l'eau à cause de toi. Est-ce que tu es ici qui quoi c'est? Nous allons aller. Ne sois pas électeur de boss. Vous allez être flatteur pour vous. Vous allez nous mettre pour la cause de la vie. Il y a le nom de Jésus. Vous allez la commune à Jésus. Le plus grand pouvoir. Il y a un grand endroit pour vous mener. Je vais dormir en paix, me réveiller en paix. Quand ils enverront leurs sbires et les escadrons de la mort, je dis le Seigneur les confondra. Vous dites quand c'est petit David ici, Azaka Munoko Bongo, Azaka Nani Nango, Nagana Kombo Jésus Christ. Je ne l'ai dit pas seulement, mais je l'ai dit. Alors, je vais le dire, je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Dans la simplicité. Dans la simplicité. Attends-moi là. Même les grands de la terre, on peut les réduire à rien. Même les grands juges de la terre, on peut les réduire à rien du tout de la vie. Soyez fiers du nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors une bataille vient. Une grande bataille. Et les fronts seront dressés. Et Jérusalem. L'une des causes de cette bataille. Vous savez que c'est un problème de l'exploitation des richesses du sous-sol. Vous avez dit qu'on doit faire la bourgeoisie à ma bénie. Êtes-vous là? Vous allez voir? L'une des causes. Et c'est vraiment ça. Vous allez faire ça. Dans les questions-réponses, le 3 janvier 1950, le paragraphe 111, la mer rouge et toutes ces choses qui les exploitent, et les matières qui sont là-bas, les juifs sont vraiment riches. Alors cette même chose va polluer de nouveau leur camp. Les chiffres sont vraiment riches, hein? Et avec les matières premières et tout cela. Alors il dit cette même chose, qu'est-ce qu'ils ont là? Les matières premières. Les chiffres vont polluer de nouveau leur camp. Oui, les villes du monde les envahiront. Les villes du monde les envahiront. Les occupants de Jérusalem et du pays d'Israël. Les villes du monde les envahiront. La Russie viendra là et dira, pas en Ukraine, mais là-bas, c'est les Juifs. On est pas dans Juda. Un autre round. La Russie viendra là. Et dira. Nous devons absolument avoir ces matières. C'est uranium. Et tout ce qu'il y a là-bas, nous devons aller nous en emparer. Et lorsqu'ils iront là, alors se livrera la bataille d'Armageddon. Êtes-vous là? Vous allez voir là? L'une des causes, c'est quoi? Les matières premières, les richesses. Bonjour. Et la Russie voudra venir s'emparer de ça. Pas les États-Unis, la Russie. Elle viendra là. Avec toutes les villes du monde. Voilà. Mabota nasa mokili na kwa hela kwa hela kwa hela kwa hela kwa hela kwa hela kwa hela kwa hela kwa hela kwa hela kwa hela kwa hela kwa hela kwa hela kwa hela kwa hela kwa hela kwa hela kwa hela kwa hela kwa hela kwa hela kwa hela kwa hela kwa hela kwa hela kwa hela kwa hela kwa hela kwa hela comme il l'a fait la salle, pour les enfants d'Israël, il combattra à nouveau. Mais cela aura lieu après que la dispensation des nations aura pris fin. Et après ce temps, elle sera retranchée. Êtes-vous là? Avant la fin de la dispensation, Kasukwana suma na yungu Mwalimba sot Kuzalatia libosote na kunesu na mwana ikuza Libosote Sato batiki dana magedongo Utumba na magedongo Kuzalatia libosote na kunesu na mwana Me apre Nasima Somnou d'accord Mwalimba sami Le probleme de gestion de matières premières Mikambo ya kutali la buzu Sot kufluate la ma Mwazali kuzakuna Avec leur mère morte et constant. Voilà, Nambula, c'est cela qui amènera la Russie un jour là-bas. Pour prendre le contrôle de tout. Mais, okay. Nous l'avons entendu, okay. La bataille d'Armageddon détruira tout. Nous l'avons entendu mercredi. Nous avons dit que Branham nous dit ça à la présentation dans les questions réponses numéro 4 du 30 août 1964 le soir. Il dit l'église vente qui est dans les chaos. Et puis après le ministère des témoins, il y aura la bataille d'Armageddon qui détruira tout ça. Vous vous rappelez? Oh, c'est déjà parti. Bon, moi je vous comprends des fois. Hein? Et je vous comprends parfois. Question réponse numéro 4. Le 30 août 1964, le soir, je prends un extrait ici, paragraphe 75, l'épouse, lorsqu'elle sera enlevée de l'église, alors l'âge de l'église s'est terminé. Laodicée va dans les chaos. L'épouse va dans la gloire. Et la Vierge endormie entre dans la période de tribulation. La tribulation qui commence pour les Vierges endormies. Pour 3 ans et demi. Pendant qu'Israël reçoit sa prophétie. Puis la tribulation vient aussi sur Israël. Et ensuite, a lieu la bataille d'Armageddon qui détruit tout chose. Voyez-vous? C'est une bataille terrible. Le combat des grands jours du Dieu tout-puissant. Et ça va ravager et détruire tout. Nous l'avons entendu. Nous venons de le répéter. Que chacun garde ça à cœur. Et vendredi, nous avons lu dans la prédication de frère Branham ici. Jour V, jour de victoire. Vers la fin du sermon, du 21 avril 1963. Il a dit ceci, paragraphe 74, dernière phrase. Lorsqu'on en arrivera à la bataille d'Armageddon, tout sera réglé. Tout sera réglé. Que voyons-nous dans la prédiction de Dieu? Lisons deux prophètes, Esaïe et Michée. Esaïe chapitre 2, le verset 4, ce que Dieu a prévu. Esaïe 2. Il sera le juge des nations. Notre Dieu Tout-Puissant en question. Bon, de toute manière, pour vous aider, c'est que il y a le verset 3 et 4. Après, nous allons la passer. De peuples se rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Biloko mingi bokenda mpe bokoluka ete yakani mpe botala ngomba na Yawe epai na ndako na Nzambe na Yakobo ete alakisa biso nzela na Ye mpo ete totambola na bipai bikokenda Ye Nzambe mopako ekoboma na Siona mpe liloba na Yawe wuta na Yerusalemu. Il sera le juge des nations. Lui Dieu. Nzambe. Il n'y aura plus besoin de ces pays cour pénale internationale ou de ces pays tribunal pénal international pour tel pays ou tel pays. Il n'y aura pas besoin de la Cour européenne de justice. Pas besoin de cour constitutionnelle dans les différents pays ou de cour suprême. Dieu lui-même sera le juge des nations. Il n'y aura pas besoin d'un conseil de sécurité de l'ONU. Plein de corrupteurs et corrompus. Plein de corrupteurs et complaisants. Les menteurs et les complaisants. Dieu lui-même sera le juge des nations. Ça c'est après la bataille d'Armageddon. Ça va aboutir à ce nouvel ordre mondial. Dieu sera reconnu juge de toutes les nations. Et quand les gens auront des problèmes, ils vont aller auprès de Dieu pour trancher. Pas la Cour suprême. Pas la Cour suprême. Constitutionnel. On a un pays. On a un pays. Le type là qui était là-bas, en Italie là-bas, oui, il a occasionné une grosse inflation. Oui, après, il y a des crimes économiques comme ça. Mais vous voulez ça justice. Dieu sera juge de toutes les nations. Le temps vient. Et il faut passer par la bataille d'Armageddon pour te boucher là-bas. Il viendra quand les nations seront contre Israël. Dans la première phase, Dieu campera aux côtés d'Israël. Les chrétiens ressuscités. Alléluia. Amen. Nous combattrons d'abord pour donner victoire à Israël. Après avoir garanti ça, en tant que fils et fille d'Abraham, parce qu'Abraham, il est le propriétaire de la terre de promesse. Et toutes les filles d'Abraham battront à côté d'Israël pour défendre la concession royale qui le pays d'Israël, qui est appelé aussi le pays de l'Éternel, qui est aussi appelé le plus beau des pays. Dans Ézéchiel au chapitre 20, le pays d'Israël est appelé le plus beau des pays. Ce n'est pas la RDC le plus beau. C'est le pays d'Israël. Et nous allons combattre pour ce pays. En tant que fils d'Abraham. David, pourquoi tu es ici? Je dis, je suis un fils d'Abraham. Et la bataille nous appelle au rendez-vous ici. C'est question de défendre l'intégrité territoriale. Le Dieu d'Abraham a juré. Il a donné Abraham à sa postérité. Et je suis l'un de la postérité. D'Abraham. Voilà Voilà ma raison d'être ici. Ah, là, si vous, n'avez pas besoin de vous, si vous voulez déranger, foutez les camps. Je vais leur dire ça comme j'avais répondu au crocodile qui avait voulu me manger dans la. Quand j'ai raconté ça à un frère, il a dit, hé! Dis-moi, le crocodile était en face. C'est comme si quand je raconte, comme s'il n'a jamais entendu ce qu'il a dit. C'est esclave. Hé! Crocodile, Ngando! Mais il a ouvert la bouche comme ça. Il voulait me manger. Frère. Je lui ai dit, fous les camps. Le Lungawa. Ici. Lungawa. Je suis ici au nom du Seigneur. Alors, polo. Pour le salut des âmes. Pour le but de j'accomplis ma mission. Je crois que c'est une créature de la Seigneur. Ne viens pas me déranger. Fous-moi les camps. Va-t'en. Le Lungawa, Kenda. Il a fermé sa gueule sale. Le cri là-bas, il crie, waouh. Une voix rauque. Lungawa. Waouh. C'est quoi? Il a fermé cette gueule. Pour fâcher, il a claqué avec sa queue les os. Il a jeté les os sur le visage. Il a mouillé tous les habits. Il a sa colère. A Zanga Moussouni. Il a Moussouni Bandogite. Attends, il a dit qu'il n'y a pas de bonnes. Je vous ai dit que l'ange du Seigneur fera son rôle. Moi, je ne connais pas pour ça. Il n'y a pas de Batinda va subir escadron de la mort. Batinda nous servons le Dieu vivant, le Dieu d'Élie. Nous servons le Dieu d'Élisée, frère. Sachez que ceci est une réalité. Quelqu'un doit te le dire pour encourager ta foi. Toi qui es devenu si faible dans la foi. Comme si Dieu est mort il y a trois semaines. Je dois te rappeler que Dieu est vivant. Nous allons dire à ces dérangeurs-là, nous sommes la prospérité d'Abraham. Nous venons de vendre la terre de notre père Abraham. Dieu agirait et donnait cette terre à Israël. Et nous sommes ici pour soutenir ça. Êtes-vous là? Foutez-nous le camp. Allô, il dit, des peuples s'y rendront en foule là-bas à Jérusalem. Et ils diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Amen. Et à la Kisabison de la Naye, Tosangola, la Dupai, du côté d'Aye, Zambini, Boko, Kobumana, Sion, un peu, nous avons la Yahweh, ou dans la Jérusalem. La loi de Dieu fera loi sur toute la terre. Lui-même Dieu sera le juge des nations. L'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs gloves, ils forgeront des royaux et de leurs lances des cercles. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Amen. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Voilà ce qui arrivera. Alors, après la bataille d'Armageddon. Ma ponga na bangoye ke majala bikateli na matisi. Nuhuwa moko mokotongo la libota mususu mpangate. Batoye kula etumba lususu pete. Me, comment Dieu sera reconnu juge? Et quand la Russie viendra avec ses protestants, ses catholiques, et tous les autres, pour envahir Israël, interviendra d'abord pour reconnaître les droits intangibles d'Israël, le droit inviolable d'Israël, le droit à la sécurité et à la paix territoriale, les droits à l'autonomie et les droits d'Israël d'être supérieurs aux autres nations. Dieu d'Israël a dit dans Deutéronome 28, je ferai de toi la tête et non la queue. quand la Russie viendra pour annexer Israël, la queue de la Russie, interviendra pour faire d'Israël la tête énorme. Il dit amen à la vérité. Je pêche sa parole. Dans les années qui passent, nous n'attirons pas la parole de vérité. Il est toujours fidèle. Regardez dans Michée chapitre 4. Vous parlez de Mika, mon capamine.